Light, see the sun. See the sun come. You see the sun. See the sun. See the sun. sais ce qui nous passe en tête. Tu sais. Parfois nous avons des idées, parfois nous pensons comme des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Dans le vent glacé qui parfois dans le vent tellement glacé, c'était tout seul, mais heureusement on n'est pas tout seul. Organisé contre les vents mauvais. On commence à avoir l'habitude, les besoins de base sont bien repérés. On va essayer de se focaliser. On va essayer de se focaliser sur l'altérité. He's gonna start something new. Oh, try to focus on alterity now. What a good ninja session, not your friend. Because you are not alone. I restore my rhizomatic system with you. Thank you. Once more. Crazy stuff. Oh no, fuck it. Turn it off. You already said. Check it out. He's gonna start something. Suspendu. À la puissance. essence des sons à la puissance de la basse. With your fingers. Au moins à trois endroits en ce moment, il se passe des choses dans les têtes. Épiphénomène, peut-être, mais important. Dans l'histoire du personnage, un moment marquant, je dirais pas un traumatisme, quand même, basculement important. L'histoire du personnage avant que la situation ne bascule. Il est important de savoir qu'il se démarque, qu'il se caractérise géopolitique. Il est important de connaître, remettre dans le contexte. By Rock T. La situation. Est exposé la situation est aiguë comme quand on tire un fil pour faire une histoire, une sensation. Possibilité d'être humain après tout ce qui s'est passé, trop facile d'oublier. La bonne distance, la responsabilité, à distance. Shalom, peace on earth. Irene. Retenu toutes tes jugements, pas de bonne distance, il tire à bout portant, réalise. Coup de foudre, coup de dingue, le psycho. La complexité de la vie m'absorbe comme un champignon. Faisant partie du système et m'en faire partie. Mangez-moi. Aimant être vivant. Oui, c'est ça. Ya papa, ya pa, ya papa. Like we are quelques instants, brialage en haut. Enfin, smell up. Ride and ride. Oh, all the same, 'cause we are. Les oiseaux, les cascades. Cool, oh, are you, oh, oh. we are all together in this mess. No matter how you dismiss, together in this mess, no way. To my new dawn, to my new day. To the new dawn, to the new day. For you, for me, for all the family. Because I'm in this mess. The weight, the hope. Par l'épée brouillard. Fairy tale, dismiss this. We are the one. Here and now, situation. Can go. Can make it. No way, no way, you dismiss this. You're the one who waits. Attends, adopté dans le système. Dingue, un truc de psycho. Par ce millénaire religieux, une pension de la lumière, about to make noise, about to make sound, about to share it. Vagabond, comme un satyre jeté de la bande, j'ai l'impression que ces derniers temps, on cherche à me pousser hors du système. Ma sister. Cherche à me pousser. dedans. Thank you.

It's an evolution. Il aurait été bon ce verre d'eau. Tu l'as entendu. Water. Je pleure des larmes de water. Moitié inquiet, moitié banal. Be water, my friend. Un espèce d'humain au milieu d'autres humains vivants et le sachant comment faire au milieu de tant d'humains. De dire, de parler, de faire de la musique, de danser, de chanter, de dire du texte, un peu de sensation. Human vivant tout en le sachant, putain de complexité, bordel du vivant, c'est ma patrie, c'est ma nation. Nous savons, c'est la puissance de la conscience, pas donné à tout le monde, puissant, conscience, science, sans conscience n'est que ruine de l'âme, aujourd'hui l'âme, pervertie. Par les religions et là ce que nous savons ensemble. Grâce aux outils de la technologie comme Reaper, Ninja, Baker, Search pleasure.